Bon. T'as reconnu ou pas? Le style. Hein? Je pensais que j'étais fini, mais plus de peur que de mal. Pour m'en sortir, j'ai versé plus de sueur que de bave. Maintenant, dans mes soirées, y'a plus de meufs que de man. J'ai pas les cartes en main, c'est grâce au bluff que je gagne. Ma banque m'envoie des SMS. Je dépose trop d'SPS, j'arrive en SLS, j'achète le FCMS. Je regarde pas la télé, je regarde hors direct. Arrête les fans de corps, regarde le score et le temps qui reste. On a le goût de l'oseille, on a des goûts de luxe, on prend pas de coups de soleil. On traîne le soir, on prend des coups de lune. On a des coups de blues et des coups de mou, parce que la vie nous met des coups de coude et des coups de genou. Sans sortir coûte que coûte avant que ton père te renie. Depuis petit je cours, je suis né avec une paire de renies. Ta vie fait pas rêver comme Novotel, Sarcelle. Le travail, la chance et le talent, c'est le cocktail parfait. J'ai compté que sur moi, j'ai jamais rasé les murs, je les ai escaladés plus d'une fois. J'ai enfoncé des portes, je voulais percer, placer mes potes. Je suis inconnu, mais style est reconnu, j'ai fracassé des prods. J'ai compté que sur moi, j'ai jamais rasé les murs, je les ai escaladés plus d'une fois. J'ai enfoncé des portes, je voulais percer, placer mes potes. Je suis inconnu, mais style est reconnu, j'ai fracassé des prods. Je referais pareil si tout était à refaire. Je finirais par plaire, tu finis fesses par terre. Je rallume le starter avec mes partenaires. Mon son dans ton PC, je nique ta carte mère. Je sors ma carte bleue, j'achète un appart vert. Brooklyn, je book in, j'attends ma carte verte. Regard noir au soleil, j'ai le regard vert. En cas de soif, je te mets du poison dans un quart de verre. Ça fait bien longtemps que j'ai dépassé le quart de siècle. Ma vie n'est pas carrée, je me balade dans un arc de cercle. Tout ce que tu dis, ça serait sympa de le faire. Chaud ou froid, dans mon resto, la vengeance est un plat que je sers. Je drague ta meuf sur un son triste de Drake. Je la badigeonne de sauce blanche comme un sandwich grec. J'ai jamais compté sur personne, j'ai des lacunes en maths. Cette année, j'ai pas trop vu la chance. Si tu la vois, tu l'embrasses. J'ai compté que sur moi, j'ai jamais rasé les murs, je les ai escaladés plus d'une fois. J'ai enfoncé des portes, je voulais percer, placer mes potes. Je suis inconnu, mais style est reconnu, j'ai fracassé des prods. J'ai compté que sur moi, j'ai jamais rasé les murs, je les ai escaladés plus d'une fois. J'ai enfoncé des portes, je voulais percer, placer mes potes. Je suis inconnu, mais style est reconnu, j'ai fracassé des prods.